Les Stranglers s'enchaînaient au smashing ce soir, pas le temps de respirer, surtout pendant les prochaines minutes offertes aux Warlocks. Fatigue, alors ouvrez bien vos escourbes, vous êtes en train d'écouter Pop and Rock sur RVR. Merci la voix off. We'll be right back. avez mal à la tête, vos neurones sont à bout, vous voulez prendre une petite respiration tranquille? Alors un conseil, changez vite de fréquence car ce soir au 104.6, entre 17 et 18, il y aura le feu. Encore là, après l'hélix de Juliette, vous allez prendre maintenant l'Interpol du pôle. I'm Vous en voulez encore? Ok. S'en souviennent, la barre ovomaltine, c'est de la dynamite. Pop and Rock aussi. Ça y est, il a complètement craqué, le programmateur. Et ouais. Gather up at the bar and si le Bob ne vous a pas décollé le cervelet, on remet ça à Bob Mould avec American Crisis. Et bien sûr, toujours sur RVR. Merci la voix off. Sinon, du côté des joyeux, voire des désaxés, les Misfits comme ils disent, il y a aussi des énergiques mais très barrés, des Dandy Warhols. Chez les filles aussi, on a des estampillés pop and rock bien déjantés. On commence avec les Death Valley Girls et on enchaînera avec la folle, la tête à l'envers de Emil et les Sniffers. Attention, mot de crâne assuré ce soir sur RVR à cause de pop and rock, les petits enfants du rock. lundi entre 17 et 18, vous êtes bien en train d'écouter Pop and Rock sur la très locale RVR. Et attention, ce soir, musique à gogo. Hein ? Musique à gogo ? Eh ouais, qu'est-ce qui te gêne ? Mon grand gourou radiophonique me conseille d'alterner énergie et douceur pour permettre à l'auditeur moyen de RVR de trouver une respiration. Mais ce soir, en mauvais padawan, je ne l'écoute pas. Oh, quel affront ! Et ouais, la voix off, ce soir, c'est la révolution des padawans. n'y a pas que les anglo-saxons pour remuer vos ménages. Et ouais, il y a aussi la Fédération Française de Funk dans Pop and Rock. Pour une fois, on est bien d'accord là, Wop. We'll be right back. y a aussi Noir Désir. Eh ouais. Des femmes sans visage. Allez, après presque 50 minutes de folie, vous avez bien mérité une petite pause. Mais non, je déconne. Parce que Pop'n Rock touche bientôt à sa fin. Fire in my lungs, I'm spun, walking on wire, in delirium, descending higher and higher. Keep like this forever, run it out of love lights, go and help. pour vous encourager à revenir prendre une douche d'énergie lundi prochain entre 17 et 18 au 104.6 dans Pop'n Rock. On va finir dans le consensuel. Pixies ferme ce 207e Pop'n Rock et sur ce, bis à tous. Rendez-vous lundi prochain à 17h.